Vous savez, mes frères, mnajua ndugu zangu, je vous ai dit hier niliwaambia jana, que Dieu est en train de nous amener dans une saison particulière. Ya kwamba Mungu iko natupeleka ndani ya majira ya kipekee. J'aimerais vraiment que quelqu'un dispose son cœur pour ça. Na ningependa mtu atayarishe moyo wake kwa ajili ya hii. Dieu est en train de chiffonner mon cœur pour ça. Mungu iko na finyanga moyo wangu juu ya hiyo. Kukamula. Kuna kamua moyo wangu juu ya hiyo. Un vieux nous avait donné un témoignage dans le passé. C'était un pionnier de l'évangile au Maniema. On était à retraite avec lui quand nous étions au Maniema. Il nous a dit ceci. Quand nous étions en train d'implanter des églises dans les villages, son cœur brûlait tellement moyo wake uliwaka sana que quand il donnait à quelqu'un d'autre de prêcher, na alipompatia mtu mwingine ahubiri, il mettait sa chaise tout près, aliweka kiti yake karibu de la chair, karibu ya mazabahu, lui se mettait là, na alikaa hapo prêche hubiri. Et quand il sent que tu faiblis, na naposikia kwamba unazofika, te tire au pantalon pour dire naribisha, anakukusa kwenye suruali yako anakuambia ti abime le message. Je commence à comprendre maintenant ce qu'il me disait à ce temps-là. Na naanza kuelewa sasa aliyokuwa ananiambia kwa wakati huo. On était avec madame. Nilikuwa pamoja na mama. Un autre collègue de ministère. Rafiki mwingine wa kazi. En fait, Dieu est en quête de personnes authentiques. Mungu iko na watafutisha watu wa kweli. Des gens qui les cherchent avec authenticité. Watu wanaomtafuta kwa kweli. Nous sommes maintenant habitués à Dieu, c'est comme un grand-père. Mara tumemzoea Mungu na tumemwona kama babu. Et puis bon Dieu est là, non, dit ni Mungu wetu mutuache. Dieu est là, il est notre Dieu, laissez-nous. Non. Ce que Dieu peut faire avec un homme. Il ambao Mungu anaweza kufanya pamoja na mwanadamu. Mes amis, rafiki zangu, nous n'avons pas encore vu ça. Hatujaiona. Le problème n'est pas Dieu. Shida sio Mungu. Le problème est de notre côté. Shida ni kwa ngambo yetu. Regarde comment nous sommes sérieux quand nous devons nous marier. Tazama namna gani tunajiweka kwenye mstari wakati tunatafuta kufunga ndoa. Les gens vont même s'endetter. Watu watenda hata kujikopesha. Regarde quand tu as refusé la fille d'autrui. Angalia wakati wamekukatalia msichana wa watu. Comment tu fais? Unafanya nini? On entre à jeûne. Unaingia ndani ya mafungo. On va dans les montagnes. Unaenda kwenye milima maombi. On va dans les négociations avec l'oncle ou la pepsi. Unaanza kujadiliana pamoja na mchomba wa dada. C'est la crise. Inakuwa kabisa ni ukosefu mkubwa. Mais ce genre de cœur là Dieu le cherche. Lakini ile mioyo kama hiyo Mungu anaitafuta. Pour son royaume. Kwa ajili ya ufalme wake. Qui a déjà jeûné? Qui va dans les montagnes? Nani ambaye ameshafunga? Qui va négocier avec l'oncle, avec la tante? Ambaye anaenda kujadili pamoja na mchomba. Le transport, lipa transport $50, lipa transport 1000. Qui fait ces choses quand il s'agit de Dieu? Wanani wanafanya mambo kama na haya wakati ni Mungu? N'est-ce pas que beaucoup restent à la maison parce qu'ils n'ont pas eu de transport pour venir au culte? Si wengi wanabaki nyumbani sababu wali quand tu étais fiancé et que tu n'avais pas de transport, tu restais à la maison. Na ulikuwa una pesa za kulipa gari ulibaki nyumbani. Eh ba frère biko hapa mulisha lunga. Mulikuwa na baki hapo. Les sont ici et qui vous êtes. N'est-ce pas que le marché? Sulikuwa natembea kwa mguu. Et surtout nous qui nous sommes mariés avant que le téléphone soit. Na sisi ambao tulifunga ndoa mbele simu zikue. Utaita basi. Est-ce que tu vas appeler? Soutenir. Tu vas y partir. Et comme à Ouendo, on a dit barua ya kukartasi. Et si tu ne vas pas, tu écris une lettre. On appelle ka ku poste. Et tu amènes cette lettre à la poste. Où tu trouves quelqu'un qui voyage? Amona mkuta mtu ambaye anasafiri, unampatia. Où tu envoies quelqu'un? Amona mtuma mtu. Et la sœur doit répondre par écrit. Il n'y a pas de téléphone. Na atajibu kupitia barua, hakuna simu. Vous êtes gâché, gâté. Nyinyi kabisa mnabembelezwa. Vous nous aimez, c'était pas facile. À distance. Mais Dieu cherche des cœurs aujourd'hui. Dieu a hâte d'avoir quelqu'un. Qui voudrait dire, moi je suis déjà là. Est-ce que je peux avoir ici deux personnes qui veulent dire, moi je suis déjà prêt, Seigneur. Si tu cherches quelqu'un, moi je suis déjà là. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève nos mains et prions Dieu. Dites Seigneur, ce soir, parle à mon cœur. Montre-moi ta face. Aide-moi à voir ta parole. Afin que la parole que je veux voir me transforme. Afin que je vive par ta parole. Que je vive par ta parole. Mon Dieu. Touche mon esprit, sensibilise mon système, arrange mon intelligence afin que je capte ce que tu es en train d'essayer de me dire, que je capte tes sollicitations intimes, tes sollicitations éternelles, tes sollicitations vitales. Aide-moi, Seigneur. Je suis prêt. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous sommes là pour ça. Rencontre nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, j'essayais de parler du processus vers ton établissement. Et puis l'esprit m'a viré sur un autre terrain. Permettez que ce soir, nous abordions cette affaire. C'est sous-point. Le processus vers ton établissement. Les dieux que nous cherchons, les dieux qui veulent nous établir, c'est un dieu de processus. C'est pour cela que vous allez observer que dans une même église, deux personnes croient en même temps, mais leur vitesse de progression vers la connaissance de Dieu, ces vitesses ne sont pas similaires. Deux personnes passent par la délivrance en même temps, mais l'un avance plus vite et l'autre a une vitesse beaucoup plus lente. Est-ce que c'est le problème de Dieu? Est-ce que c'est le problème de l'homme? Nous voulons réfléchir sur ces choses-là. Nous sommes tous invités à une vie d'impact, à une vie de gloire, à une vie de puissance, à une vie digne, à une vie de prospérité, à une vie qui laisse des traces, à une vie qui impacte les gens. Et l'établissement a comme finalité de fabriquer sur la terre des hommes et des femmes que Dieu a établis et qui laissent des traces. C'est-à-dire dont les buts de leur vie deviennent une réalité. C'est converti à palpable. Quelqu'un voudrait dire Dieu, fais aussi que ma vie laisse des choses palpables. Nous ne voulons pas rester et passer la vie sur la terre de manière inaperçue. Tu vas apprendre que chez les voisins, il y a un deuil. Et puis on demande, mais en fait c'est qui? Na unajiuliza ni nani? Et comme on doit aller au deuil de chez les voisins, on arrive, on ne sait pas en fait c'est qui ça qui est parti? Ni kama vile unaweza enda kwa kilio kwa jirani kisa unaanza kujiuliza ni nani alimekufa. Et puis on vous dit, non, c'est le papa de là qui est mort. Na kisa wanasema ni baba wa hapo ndiye amekufa. Njoo mwisho. C'est la fin. C'est la maman de là qui est morte. Ni mama wa hapo ndiye amekufa. Ni nani? C'est qui? Non, c'était une maman, elle était là. Oh, ni mama moja alikuwa hapo. Écoutez, frère, sœur. Munisikilize ndugu dada. Nos vies doivent cesser de passer inaperçues comme ça. Maisha yetu yanapaswa kuacha kubaki bila kueleweka. Quelqu'un doit se révolter avant la fin de ce mois. Kuna mtu ambaye anapaswa kubadilika mbele ya mwisho wa mwezi huu. Quelqu'un doit changer avant la fin de ce mois. Kuna mtu ambaye anapaswa kugeuka mbele ya mwisho wa mwezi huu. C'est pourquoi nous devons ouvrir grandement nos cœurs. Afin de capter ce que Dieu essaye de nous dire. Dieu a de grandes sollicitations durant ce mois. Il sollicite quelqu'un. Beaucoup de gens ne vont pas arriver ou n'arrivent pas à ce niveau d'impact, à ce point culminant de l'intérêt divin sur leur vie, pour diverses raisons. La première raison, c'est notre système de fonctionnement avec fonctionnement ya mitumikio qui a des déficits ambao inakuwa na ukosefu ndani. Dans Ephésiens 4, 17 et suivant, il est écrit: mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Wa Efeso ine sabe imeandikwa sio hivi mlijifunza kumjua Kristo. C'est pas comme ça. Sio hivi. Vous ne devrez plus vivre comme les païens. Hamunge paswa kuishi tena kama wapagani. Selon la vanité de leur intelligence. Ambao wanatembea kufuatana ubatili wa akili yao. Ça dit qui marche selon la vanité de leur système de fonctionnement. Ambao wanatembea kufuatana na ubatili wa namna yao ya kufikiri. La deuxième difficulté. Shida ya pili. Qui va faire que tu n'arrives pas? Ambao utafanya usifike. C'est ta qualité de connaissance de Dieu. Ni hali yako ya kumjua Mungu. Notre qualité de la connaissance de Dieu. Hali yetu ya kumjua Mungu. Est déterminante. Inakuwa ya muhimu. Daniel 11:32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront vaillamment. Danieli 11:32 nasema kwamba wale watu watakao mjua Mungu watatenda kwa ushujaa. Ils agiront vaillamment. Watatenda kwa ushujaa. La troisième difficulté. Shida ya tatu. Et ça c'est vraiment peut-être pour les Congolais. Na hii inawezekana ni kwa ajili ya Wakongomani. C'est la qualité de notre réponse aux sollicitations de Dieu. Ni hali ya majibu yetu kufuatana na mwito wa Mungu. La qualité de notre réaction à l'appel de Dieu. Hali yetu ya kujibiana kwa wito wa Mungu. La qualité de notre réaction, de notre réponse aux attentes de Dieu, à l'appel de Dieu, aux sollicitations de Dieu, aux décisions de Dieu sur notre vie. Notre qualité de réponse parfois laisse à désirer. Hali ya majibu yetu mbele ya kuitwa na Mungu, mbele ya hitaji za Mungu. Tunapoitwa na Mungu. Il est écrit dans Luc 12:44. Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Beaucoup de gens bénéficient de la visite de Dieu. Laisse-moi vous rappeler. Chaque réunion que nous avons ici dans ce programme est une visitation divine. Si tu crois ça, tu acclames le Seigneur. Dieu est dans chacune de nos rencontres. Mais quelle est notre réponse? Lakini jibu yetu ni gani? Comment nous réagissons? Namna gani tunajibu? Hallelujah. Amen. Je bénis Dieu parce que la volonté de Dieu est destinée à tout le monde. Nambariki Mungu sababu mapenzi yake inamwelekea kila mtu. Je vous ai dit hier ou avant-hier que tout le monde est sur la liste. Nimewaambia jana ama juzi ya kwamba kila mtu iko kwenye orodha. Mais beaucoup d'entre nous nous fatiguons Dieu. Lakini wengi kati yetu tunamchokesha Mungu. Il a essayé avec toi l'année passée, ça n'a pas marché. Amepima pamoja nao mwaka jana, il a essayé avec toi il y a 5 ans, amepima ça n'a pas marché. Nao, miaka tano imepita, lakini il a essayé de t'appeler, de te solliciter il y a 10 ans. Amepima kukuita, miaka ça n'a pas marché. Lakini mambo hayakuendeka. Tu fatigues Dieu. Unamchokesha Mungu. Nous fatiguons Dieu. Tunamchokesha Mungu. Tu n'as pas connu le jour où Dieu t'a visité. Haukujua siku ambao Mungu alikutembelea. Il te visite aujourd'hui. Anakutembelea leo. Tu dis oui Seigneur. Unasema ndio Bwana. Tu restes comme ça. Na kisha unabaki hivyo. Ou tu essaies de faire semblant d'y aller. Ambao napima kuonyesha kama unaenda. Après deux jours. Na kisha siku mbili. Tu zappes tout ça. Na unaondoa ile mambo yote unapitisha. Combien d'entre nous on a eu des décisions dans le cœur? Marahio Mungu vraiment marahio. Wangapi kati yetu tulichukua maamuzi ndani ya mioyo yetu? Basi Mungu marahio basi. Seigneur cette fois-ci. Et puis après deux jours. Na kisha siku mbili. Il y a plus rien. Hakuna tena kitu. Tu fatigues Dieu. Unamchokesha Mungu. Nous avons enseigné sur la grâce ici. Tumefundisha juu ya neema hapa. Et nous avons appris que la grâce, c'est un enseignant. Na tumejifunza kwamba neema ni mwalimu. La grâce nous enseigne à. Neema inatufundisha kwa. La grâce, c'est pas juste un jardin de fleurs. Neema sio tu bustani ya maua. Où on vient dedans, on s'assoit, on prend des photos. Ambao unakuja ndani unaikaa kisha unachukua picha. On prend des ici. Vous appelez ça quoi? Selfie. Selfie. Unachukua selfie. La grâce, c'est pas juste ça. Neema sio tu hiyo. La grâce est une responsabilité. Neema ni jukumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je namzungumzia mtu. Et donc, mon frère. Ni kusema ndugu yangu. Aide-moi à prêcher. Unisaidie kuhubiri. Dis au voisin, mon frère, cesse de fatiguer Dieu. Ambia jirani yako acha kumchokesha Mungu ndugu yangu. Dieu a beaucoup investi dans ta vie. Mungu amewekeza sana maishani mwako. Sasa umemchokesha. Et maintenant tu le fatigues. Umechokesha Mungu. Tu as fatigué Dieu. Tu te repens. Unatubu. Et demain tu rentres dans la boue. Kesho tena unarudi ndani ya matope. Tu abandonnes. Unaacha. Et puis tu retournes à la bêtise. Na kesho tena unarudi ndani ya makosa yale. Dieu. Yani unamchokesha. Et chaque Mungu. Fois que tu reviens. Na kila mara unaporudi. Oh Dieu, pardon. Oh Mungu nisamehe. Et quelquefois ce qui est drôle. Na mari nayo kwa kushangaza. Nous osons même rappeler à Dieu comment il doit se comporter. Tunapima hata kumkumbusha Mungu namna gani anapaswa oh kujikamata. Tu sais que tu es un Dieu de grâce, oh, non? Oh Mungu, tu rappelles à Dieu qu'il est le Dieu de grâce. Unamkumbusha Mungu ya kwamba yeye ni Mungu wa neema. Tu donnes à Dieu des leçons. Unaanza kumfundisha Mungu. Dieu. Mungu. Je suis encore tombé. Sini manguka tena. Tu es le Dieu de grâce. Wewe ni Mungu wa neema. Asi nifanyaye. Qu'est-ce que je vais faire? Nilianguka tena. Je suis encore tombé. Si comme mwanadamu. Tu sais que je suis un homme. Ni tike tu vile. Il faut m'accepter seulement comme ça. Il y a deux semaines, tu as fait la même chose. Kuna wiki mbili umefanya jambo ile. Il y a une année, tu as fait la même chose. Kuna mwaka mmoja umefanya jambo ile ile. Tu fatigues Dieu. Unamchokesha Mungu. Tu fatigues Dieu. Unamchokesha Mungu. C'est pourquoi quelquefois lorsque nous allons chez Dieu, il nous connaît déjà. Quand il te voit venir, et il s'en va. Il vient encore. Et il s'en va. Il est kujiendea. C'est aussi ce qui explique les longueurs des prières non exaucées. Na hiyo ndio naonyesha maombi nyingi ambayo hayakujibiwa. Tu as tellement fatigué Dieu. Umemchokesha Mungu. Chaque fois que tu viens. Na kila mara unapokuja. Ah. La Bible dit. Biblia nasema. À celui qui est pervers. Kwa ule ambaye anajionyesha mchafu. Dieu se montre. Mungu anajionyesha kama aliyearifiwa. Avisé. Yache. Laisse-moi. Mais quand nous lui parlons dans la prière, nous utilisons tout ce qu'on nous a enseigné sur la prière. Et nous sommes convaincus qu'on a bien prié. Mais Dieu nous a déjà trouvé drôle. Amen. Il est écrit dans Jérémie 17, 9, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître ?» Et certains peuvent se conforter dans cela et dire, « En fait, pasteur, la Bible prévoit que nos cœurs sont tortueux. » D'accord. Mais un homme authentique va fonctionner autrement. Face à cette réalité de cœur tortueux, un chrétien authentique va plutôt se dire, comme mon cœur est bizarre, alors je dois doubler d'effort. Alors je dois aménager ma vie de sacrifice, ma vie de consécration à Dieu. Parce que mon cœur risque de me rouler. Et donc tu dois devenir une personne sérieuse. Et quand nous disons on va prier, tu vas prier pas comme les autres. Parce que toi tu sais que ton cœur est drôle. Ton ennemi est dedans de toi. Alors, tu dois être sérieux. Tu dois être différent. Tu dois te rendre compte que si les autres avancent si facilement, peut-être ils ont déjà vaincu cet ennemi-là. Alors, comme moi j'ai encore cet ennemi, je dois combattre contre mon ennemi interne. Qu'on appelle le moi. Quelqu'un doit lutter contre cet ennemi interne. Quelquefois, lorsqu'on dit nous allons combattre le diable, nous voyons nos ennemis en dehors. Nous ne voyons pas l'ennemi qui est dedans. À partir de ce soir, commence à t'exercer, à prendre à charge ton ennemi interne. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur ici? Est-ce que ton cœur est aussi tortueux? C'est possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, Nantiyomana, conscient de tout ça, ukichua haya mambo yote, pour nous amener à notre établissement, ili tupeleke kwenye kushimikwa kwetu, Dieu utilise le mode établissement. Mungu anatumia hii namna hali ya kushimikwa. Il nous fait passer par un certain processus pour que nous devenions authentiques, que nous devenions des hommes de qualité, que nous connaissions Dieu. Il nous fait passer par là. Et quand il trouve que nous sommes mûrs, alors il nous établit. Mais dans ce processus-là, il y a une grande et lourde responsabilité de nous-mêmes. Il y a des choses auxquelles nous devons nous engager, nous-mêmes. Amen. J'espère que cette parole ne t'encourage pas à te dire, ok, donc si je n'avance pas, c'est le phénomène de processus. Tu vas commencer à dire, pasteur, laisse-moi. Je suis dans le processus. Pasteur, ni processus. Et puis, je suis encore en train de fumer un peu. Ni processus, mi vicia fikia. Parce que c'est le processus, je ne suis pas encore arrivé. Tu vois, c'est Henneken, ce n'est pas grave. J'étais dans les whisky, Johnny Walker. Il y a un monsieur qui fait ça. J'étais en Johnny Walker, maintenant je suis à Henneken. C'est un processus, pasteur. C'est pas comme ça que je vous enseigne. Si vous Les chrétiens de mauvaise qualité sont ceux qui vont profiter dans la Bible chercher des versets qui les encouragent. Certains disent, oh, mais Paul a dit, tu dois boire un peu pour ton estomac. Ok, allez à la vallée de l'homme de la mort, demandez combien souffrent d'estomac. Vous êtes venu ici pour vos estomacs. Et il y a des archois ici qui boivent encore. Vous souffrez d'estomac. Écoutez, il est écrit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il est aussi écrit, ne vous enivrez pas de vin, ça ne peut vous amener qu'à la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu cherches une ivresse, tu veux être un peu ivre, ok, bois le Saint-Esprit. Cherche l'ivresse du Saint-Esprit. Alléluia. Hey, amen. D'autres disent notre pasteur n'en parle pas. Il ne nous interdit pas ça. Moi je prends, le pasteur n'a pas dit qu'on connaisse. Bientôt certains diront non, notre pasteur lui ne nous interdit pas de prendre d'autres femmes. Écoutez, que le pasteur l'ait dit ou non, la Bible a dit. Donc, si je n'ai pas encore dit, si je ne vous ai pas encore lu un verset, cela ne signifie pas que ce verset n'est pas là-dedans. Si tu es un chrétien authentique, tu sauras que ça, ce n'est pas normal. D'ailleurs, il y a un accusateur permanent, ta propre conscience. N'est-ce pas que ta conscience t'en parle? Cessons de nous cacher derrière des choses inutiles et encourager le royaume du diable au lieu de servir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu désire l'autre catégorie de personnes. Pas ceux qui cherchent dans la Bible des versets qui semblent les motiver, les encourager au mal. Mais ceux qui cherchent dans la parole de Dieu les versets qui les boostent dans la sanctification, qui les boostent à devenir des chrétiens authentiques, qui les boostent à devenir des hommes et des femmes corrects. Et Dieu quand il trouve un homme correct, il est heureux quoi. Quand Dieu trouve un homme vrai, une femme vraie, non, c'est la fête. Il va décharger, télécharger, débloquer, libérer des grâces, des provisions, des capacités, autorités. Il va libérer. Mais quand il trouve des hommes faux, il est avisé. Il a trouvé Pierre dans son équipe, un homme vrai, engagé, sérieux. Mais il y avait un Judas. Un frère, apôtre, mutume, de mauvaise qualité, wahalimbaya, faux. Wambaya. Un jour il dit, quelqu'un va me livrer. Tout le monde commence à dire, est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Je ni mimi bwana. Et puis Judas aussi ose dire, na kisha Yuda naye anasema, est-ce moi Seigneur? Je ni mimi bwana. Jésus lui dit, il a dit. Na Yesu Kristo anamwambia umeisema. Quels sont les archois, Judas? Ni wana memba gani wa kanisa ile ambao ni Mayuda? C'est pas toi Judas ici? Uliza jirani yako, je sio wewe Yuda hapa? Est-ce que tu n'es pas Judas ici? Tu es où, Yuda, hapa? Et tu vas poser aussi la question, est-ce moi, pasteur? Et le Saint-Esprit va dire, oui, c'est toi. Tu n'es pas vrai. Tu es à l'église. Comme un mercenaire. Qui a matumiki à pesa, a matumiki à yake. Regardez. Tazama. Dieu cherche ses hommes authentiques. Comme l'eunuque éthiopien, regarde. Dans Actes chapitre 8, verset 26 à 40, on parle de l'eunuque éthiopien. Un jour, Dieu dit à son serviteur, va, Philippe, il dit va sur la route de Damas. Et Philippe se lève et il va. Or, il y avait un monsieur qui est en train de lire le prophète Esaïe. On appelle eunuque éthiopien. C'est un grand monsieur, un riche. Il est écrit ministre de Candace, intendant, surintendant de tous ses trésors. Et mais il cherche Dieu authentiquement. Le ciel s'est mobilisé. Quelquefois, Dieu souffre pour trouver quelqu'un à envoyer. Parce que les chrétiens dorment. Nous dormons. Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Il ne trouve pas. Il nous trouve dans nos biacharas. Et finalement, Philippe était en train de prêcher dans une foule. Dieu lui dit, acha kwanza aba. Descends dans la route quelque part dans le désert. Au désert là, la route là au désert. Mais Dieu là, j'ai des foules ici, je suis en train de convertir. Il y a quelqu'un d'authentique. Parmi ces foules, il y en a qui sont venus pour juste leurs intérêts, pour gagner une guérison ou quoi. Mais il y a un monsieur qui me cherche là dans le désert. Et il est authentique. Laisse ces foules. Descends là-bas. La Bible déclare, l'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tout celui dont le cœur est tout entier à lui. Mais ce que j'aime dans cette énigme, c'est ce cœur prêt que je demande à chaque archois d'avoir. Il est en train de lire. Et Dieu dit à Philippe, avance devant ces chars-là. Et il avance. Et il entend qu'un monsieur est en train de lire Esaïe. Le char avance et lui aussi avance. Et puis il regarde là. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? J'aime sa réponse. Comment comprendrais-je si quelqu'un ne m'explique pas? Soif. Je veux comprendre ces choses. C'est comme si le nuque sent qu'il y a quelque chose dedans. Je n'ai point honte d'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Un homme authentique, païen, sent qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin ici. Il lit et relit, Et puis il dit à Philippe, comment vais-je comprendre si on m'explique pas? Et puis il le fait monter. Il monte dedans. Anapanda ndani. Et Philippe commence à lui expliquer. Na Philippe anaanza kumfasiri. Il lui montre anamuonyesha ni nini. Quand Esaïe 53 ici parle, anasema, la personne où il est question là, c'est le sauveur. Tatu, inasema hivi. Il était déjà là récemment, il est mort, il est ressuscité. Anasema, mtu anayezungumzia hapa, alikuwa hapa, karibuni, lakini, et puis à un moment donné, amefufuka. L'eunuque dit, na kisha toasha anasema, voilà de l'eau. Sitazama maji. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Nini nayo nizuiza nibatizwe? Philippe lui dit, Philippe anamwambia, si tu crois, ukiamini. On peut le faire. Il dit je crois. Anasema ninaamini. OK, on arrête la voiture. Sasa tusimamishe gari. On descend. Tunashuka. On est dans l'eau. Tuko ndani ya maji. Et le nique est baptisé. Na towasha kabatizwa. Ce que j'aime avec Dieu. Ninayopenda pamoja na Mungu. Dieu a des missions spéciales. Mungu anakuwa na kazi za kimaalum. Après avoir fini de les baptiser, Dieu souleva Philippe et le déposa à Azote. Envoyé spécial. Dieu cherche des envoyés spéciaux dans cette salle. Il y a des missions spéciales. Dieu a besoin de toi pour t'envoyer faire quelque chose, pour t'envoyer accomplir une mission quelque part. Mais il cherche des hommes authentiques. Des serviteurs de Dieu vrais. Watumishi wa Mungu wa kweli. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais prendre quelques cas de processus. Ya hatua. On va se limiter au premier, Élisée. Tutaishia tu kumfano wa kwanza Elisha. Le processus d'établissement de Élisée s'est passé de quelle manière? Hatua ya kushimikwa kwa Elisha ilipitikana namna gani? Et nous allons apprendre dans ce processus. Na tutajifunza ndani ya hii hatua. Pour Élisée, c'est un processus à 5 étapes. Kwa Elisha inakuwa ni hatua ambayo inakuwa na vipengele 5. Élisée, c'est ce grand prophète que tu connais. Elisha ni ule nabii mkubwa unayemjua. En fait, nous le connaissons. Tunamjua. Lorsque il vient de finir son processus et qu'il est maintenant établi et qu'il commence à produire l'impact. Et on le connaît comme le grand Élisée. Mais d'où vient-il Élisée? Allons dans 2 Rois chapitre 19. L'homme de Dieu, Élie, a des problèmes. Mtu wa Mungu Elie ana shida. Il vient de tuer le prophète de Baal. Amemaliza kuwaua manabii wa Baali. Et Jézabel le menace de mort. Na Jézabel iko nasema atamua. Le lendemain matin, il commence le voyage dans le désert pour aller se suicider. Na kesho yake asubuhi anaanza safari ili aende ndani ya jangwa akaniue. Un homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Fatigué. Ambaye amechoka. Élie. Elia. Arrivé au désert. Anapofika jangwani. Il dort sous un genêt. Un peu comme cet homme qui attend la mort. Je pense qu'il a même besoin qu'un scorpion vienne le piquer ou un serpent apparaisse pour l'avaler. Ni couffe tout. Et Dieu ne va pas te laisser si ta course n'est pas finie. Na Mungu hata kuacha kama safari yako si tu as été authentique. Kama ulikuwa wa kweli. Et si tu es authentique. Na kama uko wa kweli. Même quand tu es fatigué. Hata kama wakati Dieu va pas te lâcher. Mungu hata kuacha. Il va te suivre là où tu cherches le suicide. Atakufuata mahali uko natafuta ujiue. Toi qui ici tu es en train de chercher à te suicider. Wewe ambaye hapo uko natafuta kujiua. Ta chance. Bahati yako. C'est que tu aies été authentique. Ni kwamba umekuwa mtu wa kweli. Mais si tu es faux, lakini kama wewe ni mtu Dieu va te laisser mourir là. Mubaya, Mungu atakuacha ukufi. Enda kumoto. Par dans le feu. Mais si tu es authentique, lakini kama wewe ni wa kweli. Et parce que Christophe nous a prêché dans le passé sur les jus. Est-ce que les jus est dedans? Mungu ali, mtumishi Christophe alituzungumzia juu kama utamu iko ndani. Si il y a jus dedans, kama kuna utamu ndani, on entretient la grappe. Unalinda ile tunda. Si Dieu trouve en toi qui a encore du jus, c'est-à-dire tu es vrai. On peut dire en Swahili, angali amo mupango. Il y a encore un projet en toi. Il y a encore un projet en toi. Il y a encore quelque chose. Dieu ne va pas te laisser tomber. Il poursuit Élie dans le désert. Elle lui dit non, Élie. Tu ne vas pas mourir. Hautakufa. C'est pas le temps. Sio wakati wako. On ne meurt pas comme ça. Hawakufe kama tu es mon gars. Wewe ni mtu wangu. Ça ne se passe pas wangu. Comme ça. Na mambo hayupitikane hivi. Je ne suis pas d'accord. Lève-toi, mange. Si mama kula. Alléluia. Dieu Amen. Est gentil quelquefois. Mungu anakuwa mzuri mara. Allez, mange. Kula. Il vient encore, mange. Anakuja tena kula. Ok. Et puis il dit ok. Je vois que tu veux vraiment partir. D'accord. Sawa. Mais avant de partir, lakini mbele ya kwenda, tu fais une mission. Unafanya kazi moja. Tu rentres en ville. Unarudi mjini. Et tu accomplis la mission. Na unatumika ile kazi. Et puis on va voir la suite après. Na kisha tutaona itakayofuata baadaye. Comme on dit à Goma, tutaona mambo ingine baadaye. Nous allons voir les autres choses après. Et quelle est la mission? Na kazi ni gani? Verset 13. Shailila 13. L'Éternel lui dit: Bwana Mungu kamwambia, va, wende, tu oindras Hazael pour roi de Syrie, kama vile mfalme wa Syrie. Tu oindras Jehu pour roi d'Israël. Utampaka Yehu kama mfalme wa Israel. Et tu oindras Élisée. Na utampaka Elisha. Pour prophète à ta place. Kama vile nabii kwa kukugomboa. Je vous pose la question. Nina wauliza swali. Est-ce que Élisée sait? Je Elisha anajua. Que Dieu l'a choisi. Ya kwamba Mungu amemchagua. Est-ce que Élisée sait? Je Elisha anajua. Il ne sait pas. Hajui. Il est derrière ses entreprises. Iko nyuma ya c'est un agriculteur. Yeye ni mlimaji. Il a 12 bœufs qui font l'agriculture. Anakuwa na ngombe 12 zinazofanya ulimaji. Na hajui kitu ndani ya hii. Mais Dieu l'a déjà choisi. Lakini Mungu amesha kumchagua. La première étape dans le processus. Hatua ya kwanza ndani ya hatua. C'est le choix divin. Hatua ya kwanza ni uchaguzi wa Mungu. Le choix divin. Uchaguzi wa Mungu. Dieu le choisit. Mungu anamchagua. Jeune riche. Kijana ambaye ni tajiri. Mais il n'est au courant de rien. Lakini hajui kitu. Le cas de Jérémie. Mfano wa Yeremia. Est semblable. Na inafanana kama na hii. Jérémie 1, 5. Yeremia 1, 5. Avant que tu fiques aussi dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ndani ya tumbo ya mama yako nilikujua. Et je t'avais établi. Na nilikuweka. Donc Dieu opère son choix comme première étape. Ni kusema Mungu anachagua mara ya kwanza. Juu ya kuokoa. Sur ta vie. Juu ya maisha yako. Sur ta destinée. Juu ya hatima. Sur ton avenir. Juu ya ujao wako. Sur le but de ta vie. Juu ya lengo la maisha yako. Laisse-moi t'annoncer. Acha nikutangazie. Et te rappeler pour certains. Na nikukumbushe. Que Dieu t'a déjà choisi. Ya kwamba Mungu amesha kuchagua. Dieu t'a déjà choisi. Mungu amesha kuchagua. Que tu le saches ou non. Uijue usipoijue. Peut-être tu ne sais pas. Sasa moja ujui. Élisée ne savait pas. Elisha kujua. Et quand Dieu t'a choisi, na wakati Mungu amekuchagua, le choix de Dieu est authentique. Uchaguzi wa Mungu ni c'est un choix vrai. Ni uchaguzi wa kweli. C'est déjà fait. Imesha kufanyika. Première étape. Hatua ya kwanza. Deuxième étape. Hatua ya pili. Le contact. Je vais aller vite. Kukutana. Vous allez lire aussi Exode 31, 1 à 11. Mutasoma kitabu cha kutoka makumi tatu na moja. Le cas de Bezalel. Hadi kumi na moja, mfano wa Bezalel. Il est écrit au 27, 3, sache. Imeandikwa kwa 23, ujue. Dieu dit à Moïse pour construire le tabernacle, qui dit sache. Mungu anamwambia Musa ili ya que j'ai choisi Bezalel. Ujue ya kwamba nimemchagua Bezaleli. Et je l'ai rempli du Saint-Esprit. Na nimemjaza Roho Mtakatifu. Pour toutes sortes d'ouvrages. Kwa ajili ya kila aina ya kazi. C'est Moïse qui sait. Musa anayejua. C'est Dieu qui sait. Ni Mungu anayejua. Mais Bezalel ne sait pas. Lakini Bezaleli hajui. Donc Dieu décide sur toi. Ni kusema Mungu anaamua juu yako. Et il veut que sa volonté s'accomplisse. Na anahitaji mapenzi yake yafanyike. Je disais. Nilikuwa nikisema. La deuxième phase. Hatua ya pili. C'est le contact divin. Ni kukutana na Mungu. Où Dieu maintenant, ambapo Mungu sasa, il vient t'informer. Anakuja kupatia habari. De son choix. Anakuja kujulisha. Et j'aimerais vous dire. Ningependa ça ne se passe pas toujours sous forme miraculeuse. Haipitikane tu kila mara kama vile miujiza. Ça se passe aussi de manière naturelle. Mara inapitikana quand nous sommes au culte comme ça. Kawaida tuko ndani ya ibada. Si tu viens au culte de manière authentique. Ukikuja kwenye ibada kwa kweli. Ton cœur est ouvert. Moyo wako uko wazi. Dieu peut commencer son contact avec Mungu anaweza anza kukukutana. Par la parole. Kupitia neno. Par sa présence. Kupitia uwepo wake. Tu sauras. Na utajua. Que Dieu m'a touché. Ya kwamba Mungu amenigusa. Tu vas remarquer. Na utagundua. Que quelque chose s'est passé avec toi. Ya kuna jambo ambalo limepitikana pamoja na. C'est le contact divin. Ni kukutana na Mungu. Et Dieu te fait sentir qu'il y a quelque chose. Na Mungu anakusikilisha kwamba kuna kitu. Dieu te fait remarquer que quelque chose doit se passer avec ta vie. Mungu anakutambulisha kwamba kuna kitu kinapaswa fitikana na moyo wako. C'est un peu comme si Dieu ouvre la toiture de ta tête. Ni kama vile Mungu anafungua, anafungua. Où il enlève le couvercle. Na anatoa ile mfuniko. Et la lumière. Oh. Na kisa mwangaza wako na ingia. Tu comprends. Na unaelewa. Le contact. Kutana. Comment s'est passé le contact avec Élisée? Au verset 19, 1 Rois 19, verset 19, Élie vient du désert. Il n'est pas allé chercher d'abord le roi Azaël ou Jéhu qui était cité avant. Il va tout droit chercher un successeur qui va continuer ses affaires-là. Et il va dans les champs d'Élie. Il était entré passer et Dieu lui dit, c'est Élisée en question, c'est celui-là. Et il entre dans le champ. Élisée était derrière une paire de bœufs en train de cultiver. Et il approche. Il enlève son manteau. Il lui jette ça. Quand il lui jette, le jeune homme comprend le message. Il lui a jeté, il est parti. Le jeune homme comprend le message. Il dit, ah, c'est le vieux là, c'est le vieux prophète. Il courut vers le prophète. Pardon. Donne-moi l'autorisation d'aller dire au revoir à mes parents. Et puis je viens te suivre. On a batoto bengine. Les enfants des autres. Vous appelez, vous traînez. Vous traînez. Pourquoi vous traînez? Et vous êtes en train de vieillir. Et vous travaillez. Et les années passent. Il courut vers l'homme de Dieu. C'est un jeune homme authentique. En fait, chaque message qu'il reçoit, il le prend au sérieux. Il comprend que ce geste ici signifie que l'homme de Dieu me dit, je vais le succéder. Quelle lourde responsabilité. Les archois, n'est-ce pas, que nous fuyons plutôt les responsables. Élisée pouvait juste prendre le manteau et dire pardon, homme de Dieu, pardon. Prends ce qui est à toi. Certains diront, ok, tu as fait le geste. Mais laisse-moi, je vais d'abord aller prier moi-même. Ce que tu ne crois pas, c'est que l'homme de Dieu vient de dire. Vous avez déjà appris ça. Il y a un truc derrière les montagnes au-dessus de nous là. Entre Nyiragongo et nous là. Il y a un endroit qu'on appelle Jangwa. Je vais aller au Jangwa. Prophète Élie. Nabi Elia. Chunga kwanza. Attends d'abord. Ndaenda kwa kujangwa. Je vais d'abord aller. Mungu anisemeshe mipe. Que Dieu me parle personnellement. Tiens. N'est-ce pas ce que nous faisons souvent? Le jeune homme n'a pas fonctionné comme ça. Na ule kijana kutumika hivyo. Regardez ce que l'homme de Dieu lui dit. Mutazame ile ambayo mtu wa Mungu anamwambia. Il dit d'accord. Anasema sawa. Va. Wende. Fais-le. Na uifanye. Mais n'oublie pas ce que je viens de faire. Lakini usisahau ile ambayo nimemaliza kufanya. Ne perds pas de vue le geste. Usisahau ile tendo niliyoifanya. Qu'est-ce que le jeune homme fait ensuite? Ule kijana anafanya nini baadaye? Ni vale. Le jeune homme, quand il vient de rentrer, il prend une paire de bœufs. anachukua ngombe mbili. Il offre ça en holocauste. Na anaitoa kama sadaka kuteketeza. Il offre en sacrifice. Anaitoa kama avec le bois de l'attelage. Pamoja na ile makuni. Anatoa. Et il offre ça. Wakati mnapata kama baraka, si mwasikia mnaona watu wanakimbia hapa na kuyatia humu. Lorsque vous bengine banafanya kanjo ile kitu. Wakati nimepokea neno, lorsque je reçois la parole, nafanya geste. Je fais un geste. C'est ce que ça signifie. Hiyo ndio namaanisha. C'est pas miracle, haiko mambo ya grave. Sio miujiza ambayo litokea. C'est une communication intérieure avec ton cœur et ton Dieu. Unatangaziwa ndani na moyo wako na Mungu wako. Le panier passe. Nous mettons nos offrandes dedans. Vitunga vya sadaka viko vinapita na tunaweka sadaka yetu ndani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais du contact divin. Nilikuwa nazungumzia kukutana na Mungu. Et ce jeune homme, Naukidana, après avoir offert son sacrifice, kisha kutoa dhabihu yake, il partit akaenda pour rejoindre l'homme de Dieu. Ili amkutane mtu wa Mungu. Avait-il des voitures? Jalikuwa na gari. Est-ce que Eli avait des voitures, des chars et des trucs, des richesses? Je, la Bible ne le montre pas. Na gari ama na utajiri. Est-ce qu'un riche, je tajiri, un riche tajiri, peut aller se mettre au service d'un pauvre, anaweza aenda kumtumikia maskini, brûler son entreprise, aunguze kampuni yake, pour aller s'asseoir, ili aenda aketi, au pied d'un pauvre, kwa miguu ya maskini. Qu'est-ce que ce jeune homme a compris? Huu kijana alielewa nini? Ce jeune homme sait. Huu kijana anajua. Que j'ai été choisi. Ya kwamba nimechaguliwa. Et on vient de me le communiquer. Na wamemaliza kuiniambia. Je n'ai pas autre chose à réfléchir. Na sina mawazo mengine. J'obéis d'abord. Ninatii kwanza. Je vais. Na ninaenda. Et il est parti. Na kaenda. Avait-il un papa? Je alikuwa na baba. Qui pouvait lui dire? Hey, on ne fait pas comme ça. Hawafanyake vile. Tu gâches les richesses. Unapoteza utajiri bure. Certainement il avait des parents, il avait dit laisse-moi aller annoncer aux parents. Hakika alikuwa na wazazi na kaenda kawatangazia wazazi. Mais il est parti. Lakini alienda. Quelqu'un doit partir. Kuna mtu anapaswa kwenda. Hallelujah. Amen. Il faut que tu partes. Ninaomba uende. C'est pasteur Konata sema siete tumutumikie basi. Le pasteur veut dire que nous partions les servir. Ça c'est le processus avec Élisée. Ini atoa pamoja na Elisha. Ton processus, Dieu sait comment ça passe. Mungu anajua namna gani itapitikana. Mais il y a des éléments clés. Lakini kuna mambo ambayo ni le premier élément, c'est le choix divin. Jambo la kwanza ni uchaguzi wa le Mungu. Deuxième élément ou deuxième étape, jambo la pili, c'est le contact. Ni kukutana. Dieu il vient, il fait un signal en Mungu toi. Anakuja na kutiria alama. Il te fait comprendre anakuelewesha que je t'ai choisi ya pour telle chose. Kuchagua sababu ya jambo fulani. Et c'est dans ce genre d'occasion na ni kupitia fursa que Dieu nous révèle nos noms divins. Ambapo Mungu anatuonyesha jina letu la kimungu. Alléluia. Amen. Le nom divin. Jina letu la la kimungu. Troisième étape pour Élisée. À toi, tatu kwa Elisha. C'est la réponse Nijibu de l'homme choisi. Wa mtu aliyechaguliwa. Je viens d'expliquer ça à peu de mots tout à l'heure. Nimemaliza. Lorsque nous rencontrons les contacts divins, wakati tunakutana na Mungu, la chose que Dieu attend de tout son cœur, jambo ambalo Mungu anasubiri kwa moyo wake wote, c'est une réponse authentique. Nijibu la kweli. La réponse de l'homme choisi. Jibu la mtu ambaye amechaguliwa. Hallelujah. Amen. Élisée a dit, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui dit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Wende na urudi na ukumbuke ile ambayo nimekufanyia. Vous savez la qualité de notre réponse à la sollicitation divine encourage Dieu. Unajua jibu yetu kwa kuitwa na Mungu inamtia Mungu moyo. Dieu a appelé certaines personnes. Mungu aliwaita watu fulani. Et quand il est venu, c'était vraiment sincèrement. Na alipokuja kabisa ilikuwa kikweli kweli. Mais la qualité de ta réponse. Lakini hali ya jibu yako. L'a découragé. Ikamvunja moyo. Il y a des grands serviteurs assis ici. Kuna watumishi wakubwa wanaoketi hapa. Qui ne sont pas encore serviteurs. Ambao hawajakuwa watumishi. Parce qu'ils avaient offert à Dieu une mauvaise réponse sababu à son appel. Walimpatia Mungu jibu mbaya kwa wito wake. Et Dieu s'est découragé d'eux. Il est maintenant en train de chercher quelqu'un d'autre. Jésus a dit aux pharisiens à Jérusalem, si ces gens ne chantent pas, les pierres vont chanter. Il voulait insinuer que toi, homme, si tu ne fais pas ce que tu dois faire pour le royaume de Dieu, je vais me débrouiller. Souvent, nous ne voulons pas donner à l'œuvre de Dieu. Laisse-moi t'annoncer. Quand tu persistes à ne pas donner, un jour tu vas t'étonner que Dieu s'est déjà débrouillé pour faire ça. Dieu se débrouille. Dans 2 Rois chapitre 3 verset 11. Ndani ya Wafalme wa pili 3:11. Je suis en train de vous montrer la qualité de la réponse. Niko naonyesha hali ya jibu. Qu'est-ce qui se passa? Nini ambao lipitikana? Lorsque Élisée va au pied de Élie, wakati Elisa nenda kwenye miguu ya Élie, il n'y a pas grand-chose à faire. Hakuna kazi kubwa ya kufanya. Quand il est arrivé chez Élie, alipofika kwa Elisha, il ne s'est pas retrouvé en train de lui imposer les mains. Allez, allez, prophétise, allez, voici comment on prophétise. C'est le processus de préparation. Lorsque nous répondons bien, Dieu nous met dans l'école pour nous préparer maintenant. Il nous prépare. Regardez ce verset 11. C'est plus tard, il est déjà à pleine exécution de son mandat. On a posé la question à un roi. Un roi a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici? Parce que Élie est déjà mort. Et un homme se leva dans l'assemblée et dit, na mtu mmoja akasimama ndani ya mkutano akasema, il y a ici Élisée. Kuna Elisha hapa. Fils de Shaphat. Mwana wa Safati. Qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ambaye alikuwa anamnawisha Elia mikono. Donc il a laissé son entreprise. Ni kusema aliacha kampuni yake. Il est parti se mettre au service Élie. Na kaanza aenda kumtumikia Elia. Pas un service pour être dans un grand bureau. Hapana kazi ili akuwe ndani ya ofisi kubwa. Mais juste pour faire des petites choses. Lakini ili afanye mambo madogo madogo. Niletee kwanza ile mai. Amen mwalo laba. Analeta. Ila mensa. Tu peux me laver les mains. Unaweza kuninawisha mikono? Anamwangililia. Et il verse de l'eau. Njoo mwisho. C'est fini. Tu m'as tiré de mon entreprise pour venir te laver les mains. Certains, quand ils essayent de venir servir Dieu à l'église, tout de suite, leur cœur demande des salaires, demande, dit, il faut arranger les conditions. Normalement, attends. Naiki hakiko, naiki hakiko. Il y a pas ceci, il y a pas cela, ndugu. Attends. Susubiri sungoje. Tu es dans un processus. Uko ndani ya hatua. Élisée versait l'eau sur les mains. Elisha alikuwa anamnawisha. Elia mikono. Si c'était un Congolais, il serait rentré le lendemain. Angerudi kesho yake. Asi mwata cheza na mie wewe. Vous voulez blaguer avec moi, je m'en vais. Depuis le matin, il n'y a pas de travail à faire. Ok. Mangombe yangu isa ninisha lunguza mbili. Et puis. Mais j'ai déjà consommé. Et puis ma chamba, ça y est, ma chamba, tout ça. Nous pensons trop à nous. Mes amis, à partir de ce tournant décisif, commence à passer beaucoup au royaume de Dieu. Et pensez peu à toi. Pensons plus au royaume de Dieu. Les biachara d'ici, on va les laisser. On va laisser tout ça. Pense au royaume de Dieu. Investis dans le royaume de Dieu. Écoute Dieu qui t'appelle. Fais ce que Dieu te demande. Même si c'est juste pour venir torchonner ici. À lever la poussière sur les chairs. Si c'est pour gagner une âme à côté. Ou prêcher quelqu'un derrière la maison. Fais-le de tout ton cœur. Cela coûte. Plus que beaucoup de choses que tu acquiers pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux acclamer le Seigneur. Il y a ici Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie. La quatrième phase du processus, c'est la recherche de la capacitation. La capacitation pour accomplir le but divin. Dieu t'a déjà choisi. Dieu a fait le premier contact. Troisième fois, tu as répondu à ces contacts. La troisième phase du processus, il faut chercher la provision. Seigneur, je comprends ce à quoi tu m'appelles. Mais j'ai besoin de l'huile. Et ça ne vient pas comme ça, pam, pam. Naikuje kwa ghafla. C'est un processus. Inakuwa ni hatua. Dieu vérifie la qualité de ton cœur. Mungu iko nachunguza hali ya moyo wako. Dieu jauge ton cœur. Mungu iko napima moyo wako. Tu demandes des perles. Uko naomba lulu. Tu demandes du diamant. Uko naomba almasi. Et Dieu n'est pas sûr de toi. Na Mungu hajakuwa na uhakika na wewe. Il attend. Anasubiri kwanza. Il te donne quelques leçons. Anakupatia kwanza masomo. Quand tu finis ces leçons, unapomaliza masomo. Il te donne quelques exercices pratiques. Anakupatia mazoezi. Il te donne quelques épreuves. Anakupatia vipimo fulani fulani. Il est en train de te préparer pour que désormais quand tu vas atteindre le seuil de confiance, il déverse son huile. Quand le temps fut arrivé du transfert de l'héritage prophétique, ya kupana uriti wa kinabii. Eli dit à Élisée, Eli anamwambia Elisha, reste ici. Ubaki hapa. Je vais aller à Bethel. Nitaenda Betheli. Chapitre 2 verset 1 et suivant. Reste ici. Sura 2. Deux rois. Wafalme wa pili. Chapitre 2 à partir du premier verset. Nous connaissons ce texte, on l'a déjà lu. Tunajua hii andiko tumeshaisoma. Élisée comprend que c'est l'heure du transfert. Elisha anaelewa ya kwamba hii ndio wakati wa kupata. C'est maintenant ou jamais. Ni wakati wa sasa ama sitapata kitu. Je ne rate pas. Na sitakosa. L'onction. Hii upako. Regardez, je vais réfléchir comme un Congolais. Tazama nitafikiri kama mkongomani. Un Congolais allait dire. Kongomani angepaswa kusema. Okay. Il a jeté le manteau sur moi. Amenitupia koti yake. Pour signifier que je vais être son successeur. Ili aseme ya kwamba nitakuwa mgombozi wake. C'est fait. Simefanyika. Mon fils, je vais maintenant aller à Gilgal. Oui, je sais que tu vas être enlevé. Wende salama. Mwanangu unatafutenda Gilgal. Oh, wende salama. Najua ya kwamba utanyakuliwa. Je vais pas aller me faire souffrir là. Na sitaenda kuteseka huko. Bon, je reste. Nitabaki tu. Tu m'avais jeté le manteau. Suli nitupia koti. Eh. J'avais même informé mon père. Na niliambia hata baba yangu. J'ai même déjà raconté à des amis. Na nimesha hata kuambia marafiki. Et toi tu sais? Sina wewe unajua. Inatosha. Ça suffit. C'est un kibouchafu ya poussière. Et je ne veux plus la poussière. Je ne veux pas de sacrifices supplémentaires. Sipendi tena nijitoe zaidi. Nous ne voulons pas souvent travailler. Mara hatutaki kutumika. Nous aimons trop la facilité. Tunapenda tena mambo ambayo tunapata kwa urahisi. Pensez-vous qu'Élisée allait avoir la double onction. Si Élisée lui disait, merci papa, asante baba, fais bon voyage. Usafiri kabisa vizuri. Et puis Élie part, et il est enlevé au ciel. Il n'y a pas eu le choc de l'onction. Ça n'a pas eu lieu. Élisée n'aurait pas été l'Élisée que nous lisons ici. Qu'est-ce qui a aidé Élisée? La conscience du but, de la responsabilité, la conscience du besoin, de la capacitation pour que je sois à la hauteur. Non, je ne vais pas me comporter n'importe comment. Ces vieux doivent me donner quelque chose. Il part, je ne le laisse pas. Je vais à Bethel, il dit d'accord, ton âme est vivante, Dieu est vivant, on part ensemble. Jusqu'à ce qu'il termine, ils arrivent au Jourdain. Wanafika kwenye Yordani. Et c'est là que Élie se rend compte. Na hapo ndipo Elia anagundua. Que le petit a déjà compris. Ya kwamba kijana ameshaelewa. Vous savez, quelquefois les vieillards, unajua mara wazee, nous lisent nous les jeunes. Wanakuwa wakitusoma sisi vijana. Alléluia. Amen. Les vieillards nous lisent. Wazee wanatusoma. Un vieillard que tu marches avec, il peut savoir ce que tu penses dans ton cœur. Son cœur est exercé au discernement. Et Élie se rend compte que le petit est prêt. Il dit ok. En fait, on va traverser le Jourdain, on vient de traverser. On vient de traverser. Demande ce que tu veux. Omba ile ambayo unataka. Donc, il vient d'atteindre le niveau de communication d'Élie. Ils sont dans le même diapason maintenant. Ils sont dans le même diapason. Il dit, ok, demande ce que tu veux. Et Élisée dit, qu'il y ait sur moi, je te prie, la double portion de l'onction qui est sur toi. Nipate upako mara pili ya upako ulio juu yako. Et ça étonne Élie. Na inamshangaza Élie. Sa réponse. Jibu lake. Élie dit. Élie anasema. Tu demandes une chose difficile. Unachoomba ni kigumu sana. Je vous ai parlé de ces choses là hier. Nimewazungumzia mambo haya jana. Tu demandes une chose difficile. Unomba. Mais si tu me vois aller. Lakini ukiniona nikipanda. Tu l'auras. Utaipata. Tu auras quoi? Utapata nini? La double portion. Upako sehemu mbili. Et il s'est mis à avancer. Nakaendelea. Et le tourbillon commence. Nakisa. Un char invisible. Nakisa gari moja isiyo onekana. Vient ramasser l'homme de Dieu. Inakuja kumtoa mtu wa Mungu. Et il commence à monter. Na anaanza kupanda. Je sais pas s'il a dit à Élisée, oh lele. Na sijui kama alimwambia Elisha bai. Mimi naenda mbinguni. Je vais au ciel. Ah, les autres sont bien partis au ciel. Wengine walienda vizuri mbinguni. Dieu vient te chercher lui-même quoi. Mungu yeye mwenyewe anakuja physiquement comme ça. Anakuja anakutafuta kwa kimwili hivi. Sans mourir. Bila kukufa. Sans cancer, bila sans cancer. Prostate, bila cancer fulani. Umeenda tu hivi. Et tu t'en vas comme ça. Alléluia. Et puis anaishi akule ameenda. Et il est là dans le ciel, il est parti. Mais qu'est-ce que le petit crie là en bas? Na ule kijana iko asema nini uko chini? Mon père, papa mon père, papa char d'Israël et sa Israël, cavalerie, wale, mon père, papa yangu, a fait, il se rend compte anagundua kwamba, que le vieux, baba, il n'a pas fait un geste, il ne m'a pas touché. Hakunigusa. Tu sais, on te dit, tu as touché. Père, où est-ce que tu as oublié? Tu as oublié, mais fais quelque chose. Tu fais quelque chose. Il est parti. Akaenda. Pourquoi il a dit, oh, mini menda kwetu. Je m'en vais chez nous. Mais il a pris soin de laisser tomber le manteau. Lakini, ali, je crois que c'est le même manteau qui lui avait frappé l'autre jour dans les champs. Nikifikiri, inaweza kuwa pendant que le petit crie, il ne se rend pas compte que le manteau est tombé. Na ule kijana napo, quand il n'est plus là, je suis seul maintenant. Sababu haiko tena, amebaki mwenyewe. Je constate que le manteau est là. Na unaona ya kwamba koti iko hapa. Ok, je vais me contenter de ceci. Parce que nita toucheka tu na hii. Et il a pris le manteau. Na kachukua koti. Mais Élie ne lui avait pas dit, si tu attrapes le manteau, koti, tu auras la double portion. Upako non, apana. Il lui a dit, la connexion, si tu me vois partir. Et Élie l'a vu partir. C'est ça la connexion de la double portion. Si tu vois ça, c'est fini. Tu as la double portion. Ok, mais ça c'est quand même ton manteau, je pars avec. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend où nous allons? Et la cinquième phase, c'est l'exercice du ministère. L'accomplissement, c'est l'accomplissement de l'appel, du but divin. Bwana sifiwe. Amen. L'accomplissement du mandat. Kutimiza kazi. Alors, quand le processus s'est bien passé, wakati avec toi, celui qui t'établit est rassuré. Ulambana kushimika na et il va tout libérer. Na atachilia yote. Il va libérer toute la provision. Atachilia wakiba yote. Avec un grand cœur. Pamoja na moyo kubwa. C'est ce que nous voyons. Lorsque Abraham, wakati Abraham dans Genèse kitabu chapitre 22 verset 12, sura 22:12, et qu'il est en train de vouloir égorger Isaac, iko natafuta kumchinja Isaka, sincèrement kwa kweli kabisa, Dieu intervient du ciel et dit Mungu anasema toka mbinguni anasema Abraham, arrête de tuer le petit, acha usimue mle kijana, et dit la suite, je vois maintenant, na anasema nimeona sasa. Je vois maintenant. Ninaona sasa. Donc toutes les années que nous étions ensemble avec toi, Abraham, je n'étais pas sûr. Nilikuwa sijakuwa na uhakika. Maintenant je vois. Lakini sasa maintenant ninaona. Abraham, je suis sûr de Abraham, toi. Ninakuwa sasa na uhakika. Vous allez lire à la maison la suite. Na utasoma nyumbani tena Dieu lui dit, Mungu anamwambia, je te bénirai. Nitakubariki. Et il répète les promesses. Na, et il insiste. Na, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ton attitude est ce qui va rassurer Dieu pour vraiment t'établir. Ni kusema hali yako ndio itamuhakikisha Mungu ili akushimike. Ok, arrêtons-nous là. Tunaweza kumalizia hapo. Du lundi au samedi, l'Église continue avec son programme du mois du tournant décisif de 15h à 17h30 et dimanche de 7h30 à 9h15 pour le premier culte, de 9h30 à 11h15 pour le deuxième culte et de 11h30 à 13h15 pour le troisième culte. Suivez-nous chaque soir à partir de 20h sur 89.0. Que Dieu vous bénisse.